car dedans. Yo, hein. J'dégage. Mauvaise haleine dans les parages, m'assois là où reste les vrais. En bref, là où le faux dédommage paie. La blesse infecte, tous finissent enragés, s'unissent comme une troupe de loups affamés. Yo, j'dégage, mauvaise haleine dans les parages, m'assois là où reste les vrais. En bref, là où le faux dédommage paie. Enfermé dans une cage, élevage qualifié de sauvage, c'est sauf qui peut, sauf ta peau, ton entourage. Mort la vie à pleines dents, si t'es plein de rage, donne le meilleur de toi pour réussir, résonne davantage. Laisse parler ton cœur, lui seul sait faire le bon choix. Le bien, le mal, mode d'emploi à suivre. Message que des 2-5-5 pour quiconque à la fois. Je livre bataille, gratte des pages et des pages. Pourquoi tout ça? Quoi fait vivre l'ambition, voilà ce qui motive. La rage dedans dort, toujours sur l'offensive. Laisse les rêves de côté, c'est partout la même directive. Marche droit ou crève, lève ton glaive, lutte pour atteindre ton but. Évite les obstacles, les fils d'up qui tacent pour que tu chutes. Affûte ta parole comme une lame, le verbe est une arme, a permis de tuer tout en laissant l'âme. La rage brûle comme une flamme, condamne ce qui mène à la haine. Vise le vrai d'une manière saine, la vérité blesse, les cœurs saines, chose qui cause peine. Enseigne ce que tu sais de la vie humaine, jour pour jour, semaine après semaine, sème des graines dans ton chemin. Pense à demain, on vit de culture, ne compte que sur tes deux mains. Yo, j'dégage, mauvaise haleine dans les parages, m'assois là où reste le vrai. En bref, là où le faux dédommage paie. La blesse affecte, tous finissent enragés, s'unissent comme une troupe de loups affamés. Yo, j'dégage, mauvaise haleine dans les parages, m'assois là où reste le vrai. En bref, là où le faux dédommage paie. Enfermé dans une cage, élevage qualifié de sauvage, c'est sauf qui peut, sauf ta peau, ton entourage. Rage dedans, psychique. Melka, de 5-5 clics. Game. Yo, yo.